معلومة دي جديدة. لغة L'oreille droite, ventricule droite. Voilà, quelle gauche. Est la fonction? Quelle est sa fonction? Petite circulation, le, ramener l'oxygène du poumon. Ramener l'oxygène du poumon. Échange entre CO2. Petite fonction cardiaque, vous parlez de l'hématose, je ne parle pas de l'hématose. La fonction ventricule de le cœur. Ventricule. L'éjection. C'est recevoir. Recevoir. Le sang veineux. Par le biais de quel élément vasculaire? Le vein cave supérieur et inférieur. Voilà. Ça se collecte au niveau par passivité, donc il n'y a pas une pompe qui injecte au niveau de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle éjecte où? Ventricule droit, à travers quoi? Le sigmoïde. Non. Entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Valve tricuspide. Voilà. Et à partir de lorsque le cœur droit, le ventricule droit se contracte, il va éjecter le sang où? Le corps gauche. Les poumons. Les poumons. L'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire qui va être subdivision en plusieurs branches, capillaire, d'accord, et ça va permettre des échanges gazeux au niveau, donc élimination de CO2 et ramène de en oxygène, et le retour suffit par les vénules, les veines et les... Vénules, les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires, il y a combien de veines pulmonaires? 4. Mais on n'a pas encore... c'est pas encore le... D'accord. Et les veines pulmonaires se déversent la... au niveau de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, c'est le sang. Oxygéné. Voilà, le sang oxygéné, artériel. Donc à partir de l'oreillette gauche, le sang passe au ventricule gauche par l'intermédiaire. Mitral. La valve mitrale, qui doit être compétente. Parce que lorsque le ventricule gauche commence à se contracter, donc dans la systole, la valve mitrale, elle s'ouvre. Oui. Non, elle s'ouvre pas. Et elle se ferme. Elle se ferme. Pendant la systole. Oui. C'est une question de piège, juste non, pour elle se voir ferme. Si vous avez le réflexe. La systole. Sinon, il y aura un une insuffisance mitrale. Oui. Le cours que vous allez avoir la semaine prochaine. D'accord. Par incompétence. Donc, pendant la systole, le ventre, l'appareil, la valve, elle se ferme. D'accord. Donc, elle fait obstacle, elle empêche le retour vers l'oreillette et par conséquent vers les capillaires pulmonaires. Sinon, le malade va avoir une symptomatologie respiratoire. C'est l'eau à pire, on fait attention lorsque il y a pulmonaire. Donc, à partir du ventricule gauche, le ventricule gauche contracte, il va éjecter le sang où? Là-haut, à travers l'orifice sigmoïde aortique. Voilà, à travers l'orifice aortique. D'accord? Pour aborder le périphérique. La sigmoïde, en principe, comment elle est formée? Trois valvules. Et pour la vascularisation du cœur? Le cœur est vascularisé par les artères coronaires. Par combien? Deux artères coronaires. D'accord. Antérieure ou antérieure? C'est gauche. Et la droite. Voilà. Il y a la droite qui est vascularisée surtout du côté droit, mais elle participe à la vascularisation du côté gauche. Et la coronaire gauche qui est né à partir de quel sinus? Coronaire. Oui, sinus. L'aorte ascendante, il y a trois sigmoïdes. Et chaque sigmoïde en face, il y a un sinus. Sinus coronaire droit, sinus non coronaire et sinus coronaire gauche. Donc à partir de ces sinus, on va le voir dans l'anatomie, va naître les coronaires, les artères coronaires. Donc l'artère coronaire gauche ou le tronc coronaire gauche, il faut né de sigmoïde, de sinus. En principe, c'est automatiquement sur le sinus coronaire gauche. Et cette artère, elle va donner quoi? Voilà. La branche loula, c'est quoi? Interventriculaire. L'antérieure. Et la deuxième? Et circonflexe. Circonflexe. Voilà. Donc elle donne deux artères, elle se divise en deux artères qui vont assurer la presque totalité de la vascularisation du cœur gauche. Et lorsqu'il y a une lésion au niveau du coronaire, qu'est-ce qu'on aura comme symptôme ou comme conséquence? Il y a une insuffisance coronaire et après, donc, le cœur a deux artères coronaires. Pourquoi le nom coronaire? Si vous le connaissez, pourquoi on se renomme? Parce que c'est comme une couronne autour de la masse cardiaque. Donc, aujourd'hui, on va avoir une valve, un orifice. C'est l'orifice aortique. Aujourd'hui, c'est l'aspect d'obstacle, donc d'étouffement. La semaine prochaine, on va aborder en cas d'insuffisance aortique. Donc, on aura tout. Donc, pour l'étouffement aortique, comment on le définit? C'est quoi? Le rétrécissement aortique. Même si on n'a pas vu, même si on n'a pas révisé, qui dit rétrécissement, dit quoi? Sténose. Voilà. Qui dit également? Stamina. Réduction de la surface. Voilà. Tout ça, c'est des synonymes. Même définition, le même objectif. C'est pour définir le rétrécissement aortique qui on peut définir sur le plan. On va se définir dans le livre comme un obstacle. Donc, c'est un obstacle à l'éjection du ventricule gauche. Donc, cet obstacle va empêcher le ventricule gauche d'éjecter la totalité du sang vers la périphérie. Donc, qui dit la totalité, donc, en cas d'obstacle, il va y avoir une conséquence, une partie qui ne va pas être éjectée. Donc, il va stagner. Accumulation. Voilà. Oui? Le volume télédiastolique, voilà, progressivement, le volume télédiastolique, ventriculaire gauche va progressivement augmenter et par conséquent, la pression au niveau de télédiastolique, ça va augmenter. Ça, on va le voir dans la physiopathologie. Donc, pour ne pas tarder, ne pas m'étaler, donc, ça c'est, vous devez le savoir, donc, une surface aortique normale, tu montes entre 3 et 4 cm. Et lorsqu'il y a une réduction de la taille, en fonction de sa taille, on définit les stades. Le tissement aortique large, le tissement moyen et le tissement très serré. Soit en valeur absolue, soit en valeur indexée, c'est-à-dire indexée à la surface corporelle du patient. D'accord? D'abord, j'ai un peu longtemps sur le tissement, mais c'est ça. La valve aortique, ça c'est une coupe qui passe par les oreilles. Donc l'orifice aortique, il est situé où? En arrière de l'orifice pulmonaire et entre les deux orifices tricuspides. D'accord? Les orifices vital et l'orifice tricuspide. Ça, je pense que vous avez en mémoire ce schéma. D'accord? Et la constitution, surtout dans l'insuffisance aortique, on va voir l'importance des éléments qui vont constituer cette voie d'éjection, parce qu'il n'y a pas juste l'orifice. C'est un complexe, on parle plutôt de complexe, pas d'orifice. C'est un complexe qui est constitué par plusieurs éléments. C'est la chambre de chasse du ventricule gauche. Donc le ventricule gauche, je reviens en arrière, il est constitué par deux éléments, par deux chambres, lesquelles? La chambre de chasse qu'on a et la chambre de l'empêchage. Donc, pour le complexe aortique, la chambre de chasse du ventricule fait partie de, ce complexe. Donc, il y a la chambre de chasse qui est en bas, on a l'orifice aortique avec les sigmoïdes aortiques, et on a les sigmoïdes, les sinus coronaires et la jonction entre la racine de l'aorte et l'aorte ascendante. Tous ces éléments sont très importants, surtout dans les mécanismes de l'insuffisance. On va revoir ça. Donc, juste ça pour vous ayez un rappel anatomique de complexe aortique ou de l'orifice aortique. D'accord. Pour les étiologies, on est dans un pays d'endémie. Donc, puisque hier vous avez eu le cours d'étudiant aortique, traumatisme articulaire aigu, et quels sont les conséquences? C'est le développement de quoi? Hein? Les conséquences. HVG. Oui. HVG, c'est puisque c'est. Sorry, c'est récent, c'est. Vous l'avez vu? Rétrécissement aortique, veut dire que le sang. Reste dans le ventricule. Les conséquences de rhumatisme articulaire. Ah, rhumatisme articulaire, l'insuffisance cardiaque. Voilà, d'accord. Le rhumatisme articulaire aigu, je parle, hein, d'accord. Sauf si vous ne l'avez pas revu le cours de Berkeley. C'est vrai. Ah, ouais, on va s'intéresser à un aspect particulier des conséquences de rhumatisme articulaire. L'épaississement, ça, c'est. Tout ça, ça peut partir des conséquences. Mais on s'intéresse, il y a la myocardite, et voilà, on s'intéresse seulement à la conséquence la plus importante, qui est hein, l'atteinte valvulaire secondaire à rhumatisme articulaire. Puisque c'est récent, quel est le mécanisme d'action? Comment on explique l'atteinte valvulaire au cours du rhumatisme articulaire? L'analogie structurelle, les antigènes et les structures. Entre les antigènes et les structures. La sensibilité ou les gènes du streptocoque et des valves. Donc, les anticorps, puisque vous l'avez eu tout à l'heure. Hein? Donc, l'enfant va développer un rhumatisme articulaire secondaire, une angine, un épisode. Donc, il va se défendre comment? Je vais pas en utilisant des anticorps. Il va développer des anticorps. Les anticorps, ils vont attaquer, ils vont détruire quoi? Les valves. Le germe. Le germe. Mais comme il y a assimilation. Il y a une similitude. Mm-hmm. Hein? Donc, le reste dans l'organisme des anticorps vont attaquer. Pourquoi? Donc, l'intérêt du traitement des angines, soit traitement oui. Pour. Éviter les complications d'une croisement d'abord de cette réaction immunologique avant que le corps constitue ou fabrique les éléments, les anticorps. D'accord, voilà, je pense, et pourquoi il y a l'antibioprophylaxie. D'accord, on va. Donc, puisqu'on est dans un pays d'endémie, donc la cause principale, hein, donc il y a des étiologies acquises et il y a des étiologies congénées. D'accord, hein? Pour les étiologies acquises, c'est au fur et à mesure que le malade ou l'enfant ou va grandir, il peut développer un smartphone. Qu'il soit d'origine rhumatisme, d'accord, c'est à distance, d'accord, soit si on rapporte avec une dégénérescence du sigmoïde, et ça c'est une qu'on va voir cette année, c'est plutôt dans les pays industrialisés parce que la durée de vie ou de survie elle est plus longue, d'accord. Donc il y aura progressivement une altération du sigmoïde, et enfin des causes rares qui sont décrites hein, en résumé. Pour le rhissement congénital, hein, il y a des enfants et des bonnets qui naissent avec un rhissement aortique. Et on subdivise en trois groupes. Hein. Ce n'est pas l'objectif du cours. Hein. On a le rhissement subvalvulaire, donc l'obstacle est sous les sigmoïdes. Les sigmoïdes aortiques sont intacts, en fonction, mais il y a une membrane, un obstacle sous les sigmoïdes aortiques qui peut donner une similitude symptomatologique. D'accord, d'un rhissement qu'on va voir dans les diagnostics. Il y a les obstacles congénitaux, donc l'insuffisance congénitale valvulaire, c'est la fusion congénitale, c'est un mauvais développement du sigmoïde aortique. Il y a des obstacles supravalvulaires. Donc l'obstacle il est situé au niveau, voilà, la crosse ou plutôt la haute crosse. D'accord. Et qui peut donner des symptômes, c'est-à-dire sur plan de conséquences physiopathologiques sur le cerveau gauche. D'accord. Et ce n'est pas l'objectif. Donc on va développer les trois principales, hein, qui dans le pays industrialisé, qui est la maladie de Kerner et la maladie radiopathie dégénérative. Donc c'est la forme la plus fréquente, elle se voit chez les sujets âgés, comme c'est mentionné. Surtout à partir de 60-70 ans, c'est qu'il vient au premier plan. Elle est plus fréquente dans les pays industrialisés, dans le niveau de vie supérieur. Donc la survie des malades ou la survie dans la population est plus importante. Donc la survie des malades arrive à 80-90 ans, en fonction du sexe, en fonction du niveau. Ce n'est pas le cas dans le tiers monde. Le tiers monde, la durée de survie, elle est aux alentours de combien? 60 ans, si on a de la chance. Hein? D'accord? Donc, c'est plutôt le niveau de vie qui est très amélioré. Donc, il y a une survie. Donc, il y aura une altération progressive des signes métabolismes à l'origine de cette entité anatomo-pathologique. Également, les lésions sont donc c'est les sigmoïdes qui s'épaississent, mais il n'y a pas de fusion commissurale, hein, avec présence de calcifications, ces calcifications qui augmentent avec le temps et qui peuvent s'étaler soit vers la valve mitrale, soit vers le septum, d'accord. Et par conséquent, si elles s'étalent vers la valve mitrale, donc il y aura une réduction de la mobilité, donc comme conséquence, on peut avoir une lésion mitrale associée, parce qu'il y a une baisse de la mobilité. Pour la deuxième étiologie, qui est toujours également dans les pays industrialisés, c'est une anomalie congénitale, une vie postpédiatrique. Au lieu que le patient est quasi-moïde, dans certains cas, qui est 0,5 à 1%, l'origine salutique est constituée de deux cigmoïdes. Mais la performance hémodynamique, ça, c'est avec ce mécanisme qu'on explique la survenue du vieillissement, malgré la fréquence qui est 0,5 à 1%, mais la fréquence, elle est entre 20 et 50%. D'accord. Pourquoi? Comment expliquer le nombre élevé de cas de rythme aortique chez les patients qui présentent une bixpide aortique? C'est parce que normalement, un orifice bixpide, il a des meilleures performances hémodynamiques. Mais lorsqu'il y a deux sigmoïdes, il y a une contrainte sur les sigmoïdes, les deux sigmoïdes, qui va altérer la structure et qui va permettre ou qui va induire le développement de pessissements et à partir de là, des calcifications, donc va réduire la mobilité des sigmoïdes. Donc, un bicuspide, il a plus de chances de développer un rythme aortique qu'un malade qui a, et avec un âge qui est moins avancé que pour la maladie de mon cœur, comme c'est affiché. L'âge entre 30 et 70 ans. Et enfin, l'éthiologie qui est dominante dans notre pays, c'est le rhumatisme articulaire. On a parlé de la physiopathie, mais sachez que les lésions, lorsque l'on va voir sur le plan anatomopathologique, les lésions sont caractérisées. Il y a une fusion de commissure, c'est le rhumatisme articulaire, donc on attaque la commissure, fusion, l'épaississement des sigmoïdes, et à partir de là, il y aura une rétraction. Donc généralement, la lésion aortique n'est pas isolée. Les autres atteintes valvulaires, d'une part, quelques atteintes valvulaires associées, le plus souvent. Dans le sens la tête mitrale, très souvent, parfois, l'insuffisance mitrale. Et au sein même de la valve aortique, généralement, il y aura une atteinte associée. Tricuspide, c'est un autre mécanisme. Soit une atteinte organique par le rhumatisme qui est rare, mais surtout une atteinte fonctionnelle parce que l'hypertrophie souffre, donc il se dilate, donc l'anneau se dilate, donc on aura une insuffisance par incompétence. D'accord. Donc, au sein même de la valve aortique, en cas de rythme aortique d'origine rhumatismale, souvent il est associé à une insuffisance aortique. D'accord. Parce que la valve, vous posez la question. D'accord, mais je vous la renvoie. Pourquoi? Ben, j'ai expliqué à peu près. Il y a un vêtement, il y a une fusion commissurale. Hein? C'est-à-dire le sang reste dans le ventricule gauche. Dans le ventricule. Pourquoi? L'insuffisance aortique, c'est quoi l'insuffisance aortique? L'insuffisance aortique. Hein? Ne ferme pas. Elle ne se ferme pas. Elle ne ferme pas. Voilà. La semaine prochaine, on va étaler ou s'étaler dans les étiologies. Parmi eux, c'est le vêtement aortique, le rhumatisme articulaire. Comment expliquer la présence ou la coexistence d'un vêtement aortique avec une insuffisance aortique dans ce cas? Parce que la valve, arrivée à ce stade, elle est figée. Hein? Il y a une fusion commissurale. Elle est épaissie, elle est calcifiée et elle est ouverte en gicleur, donc elle ne se ferme pas. Ça donc elle a perdu. Oui, voilà. C'est-à-dire insuffisance aortique. Voilà, ça c'est pour expliquer comment ça survient, comment on arrive au stade d'association de rétablissement aortique et d'insuffisance aortique associée en même temps. Hein, pour dire que la lésion n'est jamais pure. Dans le rhumatisme articulaire, dans le rhumatisme articulaire aigu, le rhumatisme aortique n'est jamais pur, c'est-à-dire isolé. C'est-à-dire qu'il y a toujours avec l'aorte? Avec l'associé, avec l'insuffisance aortique. Aortique, d'accord. Par contre, dans le dégénératif, on aura souvent l'insuffisance aortique, elle est minime. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la valve, elle garde certaines mobilités. Hein? Cette mobilité, c'est-à-dire un écartement pendant la systole, en fonction de la force exercée par le ventricule gauche. Il arrive à ouvrir, mais au diastole, il y a une cooptation. Hein? On va voir les images pour que vous imaginez le mécanisme de l'insuffisance aortique pendant le moment. Quand elle n'est jamais isolée, associée à d'autres atteintes de la valve, et elle n'est jamais pure. Donc, souvent associée. Et les lésions sont caractéristiques. Donc, sur le plan anatomique pathologique, donc, quelle que soit l'étiologie, trois éléments qui s'observe lorsqu'on examine une valve malade. Hein? La fusion commissurale, oui. Micro. Malgré. Sur le plan anatomopathologique, il y a trois lésions élémentaires. Hein? Il y a la fusion commissurale qui peut exister dans une étiologie qui peut être absente dans l'autre, l'épaississement des sigmoïdes oui, et les calcifications. Donc, les trois éléments qu'on observe lorsqu'on examine macroscopiquement une valve aortique avec un rétrécissement. D'accord. Et évolue, la sigmoïde ou la valve aortique va devenir un gicleur, hein, un tuyau, hein, avec pincée à son extrémité. D'accord. Donc, il est gicleur, donc accélération de la vitesse du sang à travers cet orifice qui aura des conséquences, surtout sur quel organe? Le poumon. Bah, non, c'est pas le poumon. Le corps lui-même. Le G. Comment? Pardon? Sur la haute ascendante. D'accord. D'accord. Hein? Donc, il va orienter un G de vitesse et de force et l'appliquer contre la paroi aortique, surtout la droite. D'où l'association souvent d'une dilatation de l'aorte. D'accord. Également, on peut observer, bien sûr, on peut observer des calcifications, hein, sur la valve aortique et sur la paroi de l'aorte. D'accord. Surtout dans les dégénératifs. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un processus dégénératif calcifiant qui intéresse vu l'âge du patient et les valves et l'aorte et le système vasculaire, généralement associé à une atteinte vasculaire périphérique, à une atteinte coronarienne, lorsqu'on suspecte, lorsqu'on est dans le cas d'une maladie viscérale. D'où l'intérêt de faire une coronaire pour essayer de suivre, pour vérifier s'il y a une atteinte, même si en absence de symptomatologie d'insuffisance coronaire, notamment, plutôt. Souvent, le symptôme qui déclenche ou qui rappelle ou qui appelle le malade à consulter, c'est, on va voir, souvent, c'est l'engorgement coronarien malgré l'insuffisance de lésion, l'absence de lésion coronarienne organique. D'accord. Donc, et la rotation de l'angle est là, sur le bord droit, le ventricule gauche, U égale à cet obstacle, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur, il va s'hypertrophier. Pourquoi? Monsieur Tramasse. Pour éjecter, pour lutter cet obstacle, pour assurer une performance hémodynamique normale. D'accord? Au début. Et on va voir la physiopathe, il y a des phases de compensation et des phases de compensation. Au début, il s'hypertrophie, hein, avec des conséquences, la compliance elle diminue. Et lorsque la valvulopathie ou la maladie évolue, il va commencer à se dilater. L'hypertrophie, c'est le premier mécanisme, et à partir, il va commencer à se dilater jusqu'au moment où il y aura une insuffisance. Donc, la valvulopathie également peut être intéressée. Nous avons vu, lorsqu'il y a une dégénérescence, une maladie de Mancuber, les calcifications peuvent s'étaler ou intéresser la valve mitrale. Également, la valve mitrale peut être intéressée par le processus rhumatismal. Donc, d'où l'intérêt de rechercher ces lésions associées. Dans le cadre du bébé, on va voir. D'accord? Donc, quelques aspects macroscopiques, quelques images. Donc, ça, c'est mon cas de rhumatisme articulaire. Oh, c'est très cuit. Ah, la valvule quoi? Oui. Quelle valvule? Aortique? Allez, je ne sais pas. C'est qu'à vous, on l'a dit. En principe, c'est la valve aortique puisque j'aborde le sujet de la valve aortique. D'accord? En principe, c'est la valve aortique. D'accord? Ça, c'est la valve qui est sectionnée. Et mon objectif, la valve aortique, le thoracique mouillé, avec la présence d'une fissure commissurale, vous la voyez? Non. Oh, excuse-moi. Bien une ligne de séparation entre celle sigmoïde et celle sigmoïde, entre celle-là et celle-là. D'accord? Il y a un espace. On le devine, vous l'avez. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? C'est soudé. Voilà une fusion commissurale. Donc elle est soudée, elle est fermée. Donc elle ne peut pas s'ouvrir. Lorsque le cœur gauche va éjecter, va générer une pression, les autres vont s'écarter, et celle-là, elle reste physique. D'accord? Ça, c'est une atteinte d'une seule commissure. Imaginez, il y a une atteinte 3 sigmoïdes. Qu'est-ce qu'il y aura? Juste un repercus central. D'accord? Voilà. Ça, c'est une. Il y a fusion commissurale ou non? Non. Il y a des calcifications? Non. En principe, elles sont souples, les sigmoïdes. Est-ce qu'il y a des calcifications? Ah oui. Il y a plein de calcifications. Les sigmoïdes sont épicées. Ça, c'est l'aspect du sinus ou même qui est ou dégénératif. D'accord? Voilà. L'aspect d'une valve d'arrêt post-dégénératif. Et le dernier aspect, lorsqu'il y a. C'est quoi? Non. Qui a des bicuspidés, il est en train de vraiment suivre. Voilà. Deux sigmoïdes, l'une épaissie, l'autre elle est altérée plus que l'autre. Il y a des calcifications, on les voit les calcifications. D'accord? Donc je passe sur les commentaires. Sur le plan physiopathologique, donc qui dit glissement aortique, dit obstacle à l'éjection du ventricule gauche. D'accord? Et cette réduction, elle peut rester asymptomatique pendant longtemps. Et lorsque les mécanismes compensateurs sont dépassés, il y aura une symptomatologie. Mais sur un plan physiopathologique, l'orifice est un obstacle à l'éjection, donc le ventricule va réagir avec quoi? Il va augmenter sa masse musculaire pour générer une hyperpression pour vaincre cet obstacle. D'accord? Voilà, vous imaginez la physiopathologie. Obstacle, donc il y a un volume moindre qui va passer dans la circulation. Donc le ventricule gauche, au début, il est compétent, donc il va augmenter la musculature, donc l'hypertrophie, qui n'est pas bénigne également. D'accord? Et parce qu'elle va réduire la chambre de remplissage et la chambre de chasse. D'accord? Et va réduire le volume d'éjection. et un stade plus avancé, on aura d'autres conséquences. Donc, sur le plan des conséquences, il y a les conséquences hémodynamiques, il y a les conséquences sur le ventricule gauche. Donc, les conséquences hémodynamiques, en principe, la courbe artérielle, hein, elle est faite de deux segments. Lesquels? Courbe artérielle. La courbe artérielle. Il y a un diastole, il y a un systole. D'accord. Et lorsqu'on prend la pression artérielle, on va voir lorsqu'on va faire la pression. Oui. Hein? Systolique et diastolique. J'ai fait la physiopathe pendant la deuxième année. Hein? Physiopathe. Le cathéter résine cardiaque. Hein? En troisième, la physiopathe. Voilà. Donc ça fait l'année passée. Ouais. Donc, il y a un systole, hein? Il y a un diastole. Il y a une phase d'ascension de la pression. Une phase de croissance du sucre. D'accord? Donc il y a un sommet, il y a un minimum. En cas de raidissement aortique, qu'est-ce qui se passera? La pression moyenne elle reste normale, c'est-à-dire aux alentours, dans les limites de l'âme. Par contre, oui. Par contre, les systoles, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, elles vont baisser. Donc le sommet va baisser. La diastole reste au pont également. Donc le bras, lorsqu'on prend au brassard la tension artérielle, en fonction de l'évolution, on constatera un pincement, hein, entre la pression systolique et la pression diastolique. Pourquoi? Parce que la systole, les systoles baissent avec l'évolution de la diastole. Non, non. Hein? Diastolique. Elle ne baisse pas. Généralement, elle reste dans les limites normales. Par contre, par opposition, en cas d'insuffisance aortique, qu'est-ce qu'on observera? Insuffisance aortique. On va voir. Élargissement de la différentielle parce que. La systole, plus ou moins, elle augmente, mais surtout, c'est la diastole qui va baisser. Parce que. Il y a une incompétence de là-bas. Donc, on voit si vous imaginez les mécanismes, les conséquences hémodynamiques de raidissement aortique et de l'insuffisance aortique. Le DB, au début, lorsque le cœur est compétent, il est maintenu, hein, parce que le cœur, hein, il va augmenter la période d'éjection. Hein. Il y a un obstacle, donc il va limiter le volume éjecté, mais lorsqu'on augmente la période diastolique, donc le volume qui va passer sera majoré. Donc il va compenser cette limitation dans la vitesse d'éjection et dans le temps. Hein. Pour vaincre l'insuffisance du volume, il va augmenter la diastole, c'est-à-dire la période où il va éjecter. D'accord? Vous avez saisi cette notion essentielle. Également, tout à l'heure, on a parlé de la pression qui est de diastole de vésicule qui va augmenter progressivement, et c'est un signe de dysfonction plus tard. Et l'oreillette gauche, hein, elle peut perdre son rythme lorsqu'il y a une altération, hein, une augmentation de son volume. Donc, au lieu que le malade reste en rétention nasale, il va passer en fibrillation. Et la fibrillation, elle est néfaste. D'accord? Il y a des patients qui sont porteurs de rétention aortique qui sont asymptomatiques. Mais lorsqu'ils perdent leur rythme sinusal, lorsqu'ils passent en arythmie, c'est la décompensation. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la systole auriculaire, elle participe au volume d'éjection du ventricule gauche. D'accord? Pourquoi on a un rythme sinusal? Pourquoi on n'est pas tous en arythmie? Pourquoi Dieu a créé, ou là, il a créé le rythme sinusal, hein? Parce que cette systole, hein? Synergie, mais si la systole auriculaire, elle participe, hein, au remplissage ventriculaire. Parce que si vous allez revoir la physiologie, pas la physiopathe, hein, pour le remplissage de ventricule gauche ou ventricule droit, il y a deux phases. Il y a la phase passive et la phase active. D'accord. La phase active, hein, surtout lorsque le lissement est très serré, la compliance elle est diminuée, peut, hein, cette systole peut participer jusqu'à 40% de volume éjecté. Imaginez un volume amputé presque de la moitié. Donc, il aura, le patient va rapidement décompenser. Donc, il y aura une mauvaise perfusion et en même temps, il y aura une stagnation en amont. D'accord, pas en aval. En aval, il y aura une réduction du volume éjecté, mais en aval, il y aura une surcharge. Hein? Une surcharge, c'est le poumon qui va la manifester ou qui va la subir. D'accord. Sur le plan ventriculaire, on aura la contrainte pariétale. Depuis ce matin, on parle de l'obstacle et l'hypertrophie. Donc, pour vaincre cet obstacle, l'hypertrophie, le cœur va s'hypertrophier. Et d'où la notion de contrainte pariétale, qui est un rapport entre, il est inscrit, la pression qui règne. Hein? Donc la contrainte pariétale qui est exercée sur la paroi, elle augmente lorsque la pression intra-visée augmente, donc lorsque l'obstacle va devenir pressé. D'accord? Également, elle est proportionnelle à la rayon de la cavité. Hein? D'accord? Et inversement proportionnelle à quoi? À l'épaisseur de la paroi. D'accord? Tant que la paroi est hypertrophiée, donc la contrainte, c'est pour contrebalancer l'effet de la pression et de la dimension ou du diamètre du ventricule. Également, on observe sur le plan ventriculaire une altération de la ponction systolique. Ça, c'est un paramètre qui est mesuré à l'écho, hein, l'écho cardiopathe. On voit que la fraction d'éjection baisse avec le temps. D'accord? Également, on aura une atteinte de la fonction diastolique. Donc, lorsqu'il y a une hypertrophie très importante, donc réduction du remplissage. D'accord? Donc, réduction du diastolique. De la compliance. Donc, il ne va pas se dilater ou se remplir correctement pendant la diastole. Parce qu'il y a une hypertrophie, il y a une réduction des chambres de chasse et surtout de remplissage. Également, comme conséquence de ce replacement, on a une insuffisance coronarienne. Soit elle est organique, lorsqu'il y a une atteinte organique, mais souvent, hein, en dehors de l'atteinte organique, on aura voilà, c'est une ischémie clinique, électrique. Hein? Diminution de l'irrigation du sang. Voilà, oui. Diminution de l'irrigation du sang. Voilà, pourquoi? Vous savez comment expliquer son gène? Comment expliquer cette insuffisance coronarienne? On parle de fonctionnel, pas organe. Diminution de l'irrigation. Les artères coronaires, l'as de l'aorte. L'hypertrophie. Voilà. L'hypertrophie, donc, qui est hypertrophie, hein, elle va diminuer. Donc, vous avez atteint les deux mécanismes. Vous avez parlé les deux mécanismes, mais il faut les étayer, les deux mécanismes. D'une part, l'hypertrophie qui dit hypertrophie, donc augmentation de la masse musculaire. Qui dit augmentation de la masse musculaire, qu'est-ce qu'il dit? Diminution de calibre. Des augmentations de la consommation d'oxygène. Hein? Et voilà. D'accord? Et lorsque on n'arrive pas à subvenir à cette demande, il y aura un symptomatologie fonctionnelle. L'autre élément, c'est la réduction de diamètre. Surtout, il est manifeste dans les couches sous-endocardiques. D'accord? Pourquoi? Les plus parce que c'est là, visualisé, ou c'est plutôt c'est la zone où il y aura atteinte de l'équilibre entre la pression diastolique dans les coronaires et la pression qui règne au niveau de cavité. La pression télé. Dès qu'il y a une égalisation, donc ça va empêcher, hein, la venue ou l'afflux du sang. D'accord? Et à titre de culture, hein, en principe, vous devriez le savoir. Le ventricule gauche, la perfusion du ventricule gauche, elle se fait en systole ou en diastole? Ventricule gauche, systole. Ouais. Systole, pourquoi? En systole. Pourquoi? Voilà, en diastole. Diastole. Voilà. Systole, pourquoi? On se parle de l'hypertrophie. Même s'il n'y a pas d'hypertrophie pendant la systole, le fait que le muscle cardiaque se contracte, qu'est-ce qui se passe? Il va occlure fonctionnellement les vaisseaux. Et pendant le diastole, il va se la faire. D'accord. Voilà. Comment expliquer? Allez, vous la gardez. Et pour le cœur droit, la perfusion du cœur droit, elle suffit en... Le contraire. Malbriche. Il ne faut pas déduire le barcal. La même chose. Ça dure aussi en diastole. Vous pouvez sortir. Non, oui, vous rêvez de la cœur ou la main. Donc... en systole et en diastole. Voilà, parce que les pressions qui rentrent au niveau de la cavité droite, ils sont moins. Voilà. Donc ça c'est un schéma pour résumer, hein? D'accord, c'est un schéma pour résumer, pressement, obstacle à l'éjection, surcharge par l'entrée de compression, donc hypertrophie, conséquences en avant et conséquences en aval. Tout ce que j'ai relevé, de quoi j'ai parlé. Sur le plan fonctionnel, hein? Quels sont les symptômes? D'abord, ce sont les signes cliniques, symptômes qui amènent le malade à consulter. Hein? D'accord. Des fois, le smartphone est découvert à l'occasion d'un examen, hein, systématique, clinique ou à l'écho. Systématique pour n'importe quel motif, par exemple les chirurgies autres cardiaques. Donc le malade, il est examiné, en principe il devrait être examiné, un examen complet. Donc le médecin qui va examiner, il va entendre un souffle. Comment il est le souffle? On va voir. Dans le cas de rythme optique, ça c'est la sémirose. Comment il est le souffle? Quelles sont les caractéristiques? Rude. Rude, d'abord râpeux. Il faut dire soit diastolique, systolique. En bas, on dit rétrécissement aortique, systolique. Bien sûr, en principe, systolique, en bas, on va séparer dans les caractéristiques sémiologiques du souffle systolique. Donc, généralement, le malade consulte pour endormir, 50 qui est reproduit dans 50 à 60%, il est précipité ou il est déclenché. Deuxième symptôme, ce sont les 50, la perte de connaissance. Qui peuvent se voir qu'ils sont décrits dans 50% des cas, hein, et qu'ils sont en relation avec quoi? Soit un trouble de rythme, hein, par exemple, voilà, soit une anoxie, trouble de rythme, c'est-à-dire une arythmie ventriculaire ou une arythmie auriculaire, soit une diminution une anoxie, diminution de débit, donc il y aura une perte de connaissance, surtout lorsqu'il y a la demande, elle augmente et le cœur n'arrive pas à se. Également, à un stade plus avancé, c'est la dyspnée. Le malade va devenir, hein, symptomatique sur le plan respiratoire. Hein. Donc il y a du sang qui stagne, donc les échanges ne vont pas se faire correctement. Donc il devient symptomatique, dyspnée, déforme. Et après, c'est la dyspnée de repos et c'est l'insuffisance ventriculaire. Et après, c'est l'insuffisance cardiaque globale. D'accord? Voilà les symptômes et pour résumer, donc c'est trois symptômes. Sur le plan clinique, hein, lorsqu'on examine un malade, hein, qu'est-ce qu'on va retrouver? D'abord, c'est la palpation, il faut être méthodique. Hein, palpation, hein, frémissement. Le frémissement. Il n'y a pas de cyanose, hein, ici. Hein? Il n'y a pas de cyanose des extrémités. La cyanose, elle arrive à un stade ultime, hein, en cas d'insuffisance cardiaque ou en cas d'atteinte respiratoire associée. Mais en principe, ce n'est pas le premier symptôme qu'on va rechercher, d'accord? Ou qu'on va retrouver. Hein. Il y a d'autres symptômes qui sont au premier plan, d'accord? Donc, si lorsqu'on examine le cœur, on examine le malade, changement cardiaque, l'examen cardiovasculaire, va retrouver le sculpteur en aide. Ah bon, l'inspection, j'ai oublié, qu'est-ce qu'elle va retrouver lorsque la valvulopathie elle a évolué? L'inspection. L'inspection, oui, auteur, le malade c'est un symptôme fonctionnel, la dyspnée. Mais lorsqu'on examine le malade déshabillé, frémissement. Le frémissement, c'est la palpation. Qu'est-ce que c'est que, lorsqu'on examine un malade avec une hypertrophie du ventre gauche, hein, thorax, étendu, hein, asymétrique, donc une déformation, et surtout, hein, le choc de point, hein, qui est dévié, qui n'est pas dans sa position normale. D'accord, je ne sais pas si vous... Voilà, le choc abexien, donc l'inspection. Comment on va retrouver les peaux? Est-ce qu'ils sont hyperpulsatifs ou non? Pourquoi? Traction d'éjection systolique et réduction du débit. Systolique et réduction. D'accord. Hein? Donc on aura, et lorsqu'on mesure la tension artérielle, on aura un élargissement tensionnel. C'est ça. Non, il faut suivre, il faut la règle, hein, un pincement, l'élargissement, si l'insuffisance aortique. Voilà, le frémissement, bien sûr, à la fin, lorsqu'on parle de l'air précordial, donc c'est la traduction, hein, bien sûr. Du souffle, la traduction mécanique, hein, de l'obstacle, c'est-à-dire le souffle. Hein. Donc, est-ce que vous avez fait une semaine, vous n'êtes pas passé au stage? Mais ça, est-ce que vous avez ausculté un malade? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez ausculté le hayot? Rien. Oui, laissez la vie. J'ai fait. D'accord. Les couloirs. Oui, on ne va pas vous prendre des comme pour faire le hayot ausculté. Ça y est, oui, j'ai ausculté. Prendre les dossiers. Il faut prendre les dossiers. Oui, j'ai fait ça. Là, le type de. On a besoin de quelqu'un aux Orients. Oui, les Orients, dans le siècle passé, quand nous avons ça y est. Voilà, donc assez rarement où on va vous prendre, où quel l'esprit, hein, l'esprit, donc scientifique, l'esprit responsable, hein, d'accord, hein, donc vous l'aidez à ça. Voilà, monsieur, vous l'aidez. Ah, merci d'être là. C'est la vérité. On est un peuple, là, on ne va pas s'étaler. Donc, prenez un dossier type, par exemple, vous avez fait le dossier type, là, pour consultez un dossier de smartphone et vous allez lire, hein, vous allez avoir, vous avez le polycope, je pense, hein, donc vous allez le revoir ce soir. Demain, vous allez choisir un malade avec le smartphone caractéristique et vous allez vous trouver ici. Si, si, d'accord, hein, et vous allez faire une observation. Hein, sans qu'on veut. Hein, ça y est, on a fait déjà. Mais il n'y a pas de cas. Il n'y a que les DM. On n'a pas trouvé. Il n'y a que les DM. Dans le cas. C'est avec quel le petit. Hein? Un petit. L'UHS rien. Non. Ben, c'est quelqu'un qui est de transporter, il y a un UHS rien. Il vient de moi, là, pour son compteur. Présent l'UHSRIA. Donc, c'est un service de subjugation. D'accord. Je ne suis pas cardiologue. Je pense que vous avez compris ça. Je ne suis pas cardiologue. Je ne suis pas cardiologue. Alors, vous êtes quoi? Chirurgien cardiologue. Chirurgien cardiologue. D'accord. Donc, l'UHS, on a une variété d'apports de patients. Puisque l'hôpital, il n'y a que des IDM. L'hôpital, il n'y a que des IDM. Il y a des IDM, mais de temps en temps, il y a des malades qui sont hospitalisés pour de compensation d'une valvulopathie. Hein, c'est rare, mais il y a. D'accord. Donc, l'hospitalisation, ça, c'est la phase d'activité en termes. Hein, parce que le collège est long. Donc, le sujet va retrouver un souffle systolique, hein, au niveau du foyer aortique, d'accord, qui se situe à quel espace? Aortique, deuxième espace intercostal, gauche. Gauche. Aortique. Oui. Gauche. Droite. Droite. Le contraire. Le contraire. Le contraire. Le contraire. Le contraire. Le contraire. D'accord, hein, et qui est radié vers les. Je le droit. Je genre le contraire. Comme elle a dit, donc c'est une symptomatologie, hospitalière. D'accord, vous avez le poids de compte, vous avez le poids de compte. Votre signe de la comment il taxe? Bah, de comment il taxe? Il y a également le B2 diminué, c'est la valve mitrale qui se ferme rapidement. Donc, au lieu que ça soit bon à la fin de diastole, hein, c'est une fermeture précoce, prématurée. Il y a d'autres. sur le plan examen complémentaire, si on est amené à examiner un malade, on a retrouvé ses symptômes cliniques, on va pratiquer des explorations. On commence par quelle exploration? L'électro? Cardiogramme. Le parce que tu es en train de suivre le polypho. Le phono, c'est un examen qui est, ça fait longtemps, même quand j'étais en externe, on ne pratiquait pas. C'est-à-dire, si vrai, il y avait le phono cardiogramme qui permettait d'obtenir. Voilà, mais c'est un examen qui est aussi dit pour le. Juste à titre de cible. Parce que actuellement, quel est l'examen qui va permettre de diagnostiquer et de confirmer et d'évaluer l'écho? L'écho. L'écho, actuellement, on progresse vers d'autres examens. D'accord. Également, c'est le même, dans le même perspective, le cathétérisme cardiaque. Dans le temps, le diagnostic et l'évaluation pour poser l'indication avant la venue de l'écho, c'est le cathétérisme qui nous permettait de poser l'indication d'apprécier comment le cathétérisme cardiaque. Hein? Comment le cathétérisme, vous avez une notion sur la corona? Non, non. C'est presque le même principe. Oui. La corona, on passe avec une sonde à travers la... Oui, j'ai vu déjà le cathétérisme. Voilà, et on cathétérise les coronas. Pour la corona, et on injecte le produit de contraste. Produit de contraste. Voilà. Dans le cathétérisme, il y a deux volets. Il y a le volet hémodynamique, la même chose du propre au caca. Il y a le volet opacification. Le volet hémodynamique, c'est quoi? C'est une pression veineuse. Pression dans l'étage aortique, dans l'étage ventriculaire, dans l'oreille gauche. Et l'étape ou le volet opacification, lorsqu'on injecte un produit de contraste, le soit. Le mouvement des. Oui. Le mouvement de quoi? Non. Des passage. Oui. Il y a de, lorsqu'on injecte le produit de contraste au niveau de la racine de l'aorte, pendant la diastole, va être rapide et la prise des images doit être rapide. En cas de succès aortique, on aura le produit de contraste qui régurgite. Voilà. Mais en cas d'obstacle aortique, hein, il ne va pas régurgiter. Mais surtout, sauf s'il y a une sortie associée. Mais lorsqu'on passe le cathéter à travers la valve, et on passe au niveau de ventricule gauche, et on va injecter le produit de contraste, qu'est-ce qu'elle aura comme image? Opacifier le ventricule gauche, mais la valve aortique, on va voir. Calcification. Les calcifications, elles sont spontanées. Les calcifications, on les voit sur le thorax. On va voir le thorax, donc on est en train de sauter. Hein, il y aura une ouverture limitée des sigmoïdes aortiques au cathétérisme, à la scopie, lorsque on pratique une scopie. Par la scopie ou bien par la radiographie? Scopie, mais en même temps, on injecte le produit contraste, hein, parce que c'est dynamique. Hein. On suit le cycle cardiaque, le cycle d'éjection et l'éjection, c'est-à-dire l'évacuation du produit contraste au niveau du vésicule, au niveau du ventre. En principe, il doit se laver complètement. Hein. Le cathétérisme, il y aura un résidu. Et l'ouverture du sigmoïde aortique, lorsqu'on voit, on voit l'obstacle. Au lieu que les sigmoïdes s'y passent, ils s'appliquent sur la paroi aortique et ça devient un tunnel. Dans ce cas, dans le cathétérisme aortique, on voit que le diminution le col, voilà, il éjecte à travers un orifice rétréci. Voilà, donc il y a le volume hémodynamique qui va permettre de mesurer les pressions. Donc on aura, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce que vous imaginez au cathétérisme, les signes hémodynamiques qu'on va observer? Donc, au niveau de l'aorte, le systole, comment elle est? Diminuée. La diastolique? Non. Et lorsqu'on passe le cathétérisme au niveau du ventricule gauche, le systole augmenté. Pourquoi? Hyper. Parce que le cœur va générer une pression, il va courir, donc la pression télésystolique, elle va augmenter. Également, la pression télédiastolique dirigée, en principe, elle va augmenter parce qu'il y a un volume résiduel. D'accord? Voilà, sur le plan hémodynamique, comment on apprécie et on évalue. Donc, l'électrocardiogramme, pour revenir à l'électro. Donc, on a sauté le chrono de cathétérisme pour revenir à l'électrocardiogramme. Donc, il y a des signes qui peuvent se voir Donc vous avez vu l'électrocardiogramme normal ou pathologique. Normal, pathologique, donc en fonction de chaque pathologie, vous avez pas dit, vous avez des chiffres électriques. En cas de ressonance actif, voilà qu'est-ce qu'on va observer. Donc allez, c'est en rouge. Retenez en rouge. L'hypertrophie ventriculaire gauche, surtout systolique, d'accord. Les troubles de la repolarisation, l'hypertrophie auriculaire gauche, un stade plus avancé, d'accord. La fibrillation, un stade lorsque le malade va perdre, hein, donc c'est une valve hypertrophique, donc il va perdre son rythme sinusal. Les troubles de conduction et enfin les troubles de rythme ventriculaire, tels que les extrasons. Une mention spéciale pour l'électrocardiogramme d'effort. Hein. On peut être amené à pratiquer lorsqu'on n'arrive pas à trancher, lorsque le malade il est asymptomatique et l'écho va retrouver des signes de sinus sévère, ou si l'inverse, le malade est symptomatique ou les signes échographiques ne sont pas en faveur des sinus sévères, surtout dans le premier cas où le malade il est asymptomatique. Il n'a pas de symptômes, mais lorsqu'on pratique l'écho, on retrouve des signes d'une sténose sévère. Donc, on va faire une épreuve d'effort pour déclencher des symptômes. Donc, pour dire que ce malade, il est positif, il est faussement asymptomatique. C'est-à-dire pour poser l'indication, parce qu'on a le critère échographique de la sévérité de la rétine. Donc, c'est un examen qui est fait l'épreuve d'effort. Je pense qu'à vu qu'ils ont cet examen, c'est soit au vélo, au bicyclette, à pied, à port, avec l'électrocardiogramme, pour demander au malade de faire un effort de marche et enregistrer des modifications électriques sur l'électrocardiogramme. Donc, c'est un examen qui doit être aussi, c'est parce qu'il est très dangereux, il peut déclencher un arrêt ou un trouble de rythme. D'accord. Donc, une surveillance stricte de cardiologue et. Pour arrêter l'examen, lorsqu'il y a des signes tels que la dyspnée, le malade devenu, lorsqu'il y a le malade syncope ou associé au signe associé, lorsqu'il y a la pression artérielle chute de retardement, donc il faut arrêter l'examen, donc c'est un positif. Et enfin, lorsqu'il y a le malade électrocardiogramme, on retrouve ou là, on observe ou là, la survenue de troubles de rythme. Donc c'est un examen qui est positif, donc c'est un malade qui est faussement asymptomatique. Et on arrête l'examen brutalement pour ne pas arriver à l'arrêt cardiaque pour l'examen. Donc, deuxième examen qui est cité, c'est le chronométhanographe que je cite. Et troisièmement, c'est quoi l'examen? On va faire un téléthorax. D'accord? Lorsque le malade il est asymptomatique ou au début qu'il n'est pas, la carte hépatique n'est pas évoluée, l'examen radiologique retrouve une silhouette cardiaque qui est morte, elle est normale. Lorsque la valvulopathie, elle n'est pas évoluée. Mais lorsqu'elle est évoluée, qu'est-ce qu'on va observer? Hypertrophie ventriculaire. Hypertrophie ventriculaire. L'indice cardiaque va augmenter. Voilà, index cardiocoopérat. Et l'arc, quel arc? Quelle ischémie? Vous parlez d'ischémie. Quelle ischémie? Un téléthorax. L'inférieur. Gauche. Et l'arc, voilà, qui est bombé avec la pointe qui est prolongée. Et l'arc là-haut, l'arc moyen droit, qui est proéminent. D'accord. Ça, c'est pour les rythmes aortiques évoluer. Et lorsque c'est un stade plus avancé, lorsque c'est le cœur d'eau qui a souffert, donc on observe des signes d'hypertension artérielle pulmonaire, des signes d'hypertrophie, dilatation du ventricule droit, parce qu'il va retentir, et l'hypertrophie auriculaire droite et gauche lorsque l'arythmie ou lorsque la cardiopathie elle a très évolué, c'est-à-dire la volée au stade d'insuffisance cardiaque droite. Non, gauche, ça y est. Global. Voilà, à long terme. Donc ça, c'est ce qu'on a observé. Et voilà l'image un peu, l'image d'un téléthorax, d'un malade qui a une rétine aortique qui évolue. On voit la pointe qui est hypertrophique, qui est devant l'intérieur qui est proéminent et l'arc supérieur droit qui est commun. Lorsque le malade, si le malade avait une hypertension artérielle pulmonaire, qu'est-ce qu'on aurait observé? OAP. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est mon nom. Insuffisant. Ben voilà, l'hypertension artérielle est surchargée et l'arc moyen, comment il est? Bombé. Voilà, donc à ce niveau, ainsi. On aurait observé un bonbon à ce niveau. D'accord? Donc ça, c'est pour le tétoas, le chrono et bien sûr l'examen clé qui va permettre le diagnostic positif, le diagnostic logique, l'appréciation de l'importance de quantifier le rythme aortique, d'évaluer le retentissement sur le cœur gauche, d'évaluer ou de rechercher des lésions associées, si l'écho Doppler cardiaque. Donc c'est un examen qui va permettre de réunir ces éléments pour poser l'indication opératoire. Donc l'écho Perner va permettre une évaluation qualitative, c'est-à-dire pas précise, un délicinose modéré, mais pas sur des critères très scientifiques, si on peut dire, très précis. Elle permet une évaluation semi-quantitative, donc vous avez le polycope. Je ne vais pas expliquer qualitatif, semi-qualitatif, donc vous avez les éléments. Et bien sûr, les éléments qui permettent une quantification quantitative, c'est le Doppler. On va voir tout à l'heure. D'accord ? Également, l'écho va permettre le degré de l'hypertrophie, d'accord ? Et d'évaluer la fonction ventriculaire. FE, fraction d'éjection, fraction de raccourcissement. D'accord ? Et le volume, bien sûr, du ventricule gauche diastolique et systolique, afin d'apprécier le retentissement sur le cœur, pour poser l'indication. Lorsqu'il y a un retentissement associé à un rythme aortique serré, un retentissement sur les cavités, de gauche surtout et de droite, à un stade évolué, et lorsqu'une maladie est symptomatique, c'est l'indication opératoire. Donc le Doppler va permettre une appréciation quantitative précise, et ce sont les éléments à rechercher. On évalue le gradient transvalvulaire. Lorsque le gradient devient supérieur à 50, c'est une sténose serrée. Lorsque la surface, on a vu la définition, comment classer les rétissements, donc je ne vais pas faire. En principe, la surface normale, c'est 3 4 cm. Non, pas est serré. 0,75. On apprécie la vélocité, donc la vitesse d'éjection, en principe aux alentours de inférieur à 1 ou aux alentours de 1. Lorsque la sténose est très serrée, le flux à travers cette valve, la vitesse, elle avoisine et elle dépasse les 4 mètres par seconde. Donc ça c'est des critères, vous n'allez pas prendre les chiffres, mais au moins vous aurez des idées, une idée. Et maintenant, elle permet d'apprécier l'éventualité d'une insuffisance et la quantifier en cas d'association d'une insuffisance aortique. C'est quoi le gardien transvalvulaire? C'est le gradient transvalvulaire. C'est la différence entre la pression terrestre au niveau de la ventricule gauche et la obstacle. Et on a le gradient maximum et le gradient moyen. Surtout, on travaille avec le gradient moyen. On apprécie à l'écho. Même le cathétérisme permet d'apprécier ce gradient. D'accord ? Voilà, on parle de gradient pic à pic, c'est-à-dire entre le pic pression ventriculaire et pic pression aortique. Donc, selon les critères, selon les auteurs, on évalue une sténose serrée, selon cette hauteur, lorsque la vitesse devient supérieure à 4 mètres, lorsque le gradient maximum est supérieur à 65, et lorsque le gradient moyen supérieur à 45. Hein. J'ai parlé des 50 parce qu'il y a des sociétés qui parlent de 50, il y a des sociétés qui parlent de 40. Hein. Il y a l'European Society of Cardiology qui parle de 40 et l'American College of Cardiology qui parle de 50. Ça, c'est des différences voilà, selon les sociétés scientifiques. D'accord. Et bien sûr, lorsque je passe tout à l'heure, on n'a pas. Actuellement, il y a l'introduction de la résonance magnétique dans l'évaluation. Maximum, c'est 65. Hein, moyen, 45. Vous avez dans le collier. Donc, il y a l'introduction de l'évaluation par la résonance magnétique de la fonction cardiaque et pour apprécier, pour faire le diagnostic et pour faire la quantification du rythme aortique. Mais quel est l'inconvénient de l'IRM dans le pays? Trop cher et l'accessibilité. Oui. On ne va pas, hein, alors que l'écho, hein, accessible à n'importe quel moment. Voilà. Ça, c'est dans les cas litigieux où on n'arrive pas à faire apprécier ce qu'on peut avoir pour dans les pays où on fait des études cliniques. On met à faire bien sûr le cachérisme. Il a perdu de sa valeur diagnostique. Hein, et reste, d'accord, surtout lorsqu'on a besoin de faire. De pratiquer chez le patient, toi, qui a des fonds, lorsque le malade dépasse, donc il y a des critères pour demander une cause. Il y a des critères d'âge, de symptômes lorsque le malade est angineux, il a une symptomatologie angineuse, lorsqu'il y a des perturbations électriques à le CG de repos ou à l'épreuve des fois, donc on fera hein, le CG. Les troubles de rétrécissement, on voit quoi? On voit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai pas. Ah, l'hypertrophie, les troubles de repos, la réalisation, la fibrillation. Voilà. Ah, ça c'est le CG normal. Mmh. Voilà. Ça, c'est le sujet normal. Le sujet anormal, c'est, j'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de la valvulopathie et du retentissement de cette valvulopathie. Oui, dans ce cas. J'ai énuméré les symptômes électriques qu'on peut observer. L'hypertrophie ventriculaire gauche, systolique. Rétrécissement, c'est-à-dire élargissement de PR, de QRS, qu'est-ce qui se passe exactement? L'indice de Sokolov et l'indice de Wells. Supérieur à, oui, normalement. Absolument, après tout. Oui. C'est ça les signes d'hypertrophie ventriculaire gauche. Hein? Vous allez mesurer l'axe, hein, l'amplitude cardiaque de S ou R. Hein? Dans les dérivations bien précises. Pour calculer supérieur à 35, c'est bien ici l'hypertrophie. C'est la normale Donc, vous vous rappelez, ni le smartphone, ni le portable. Donc, il faut chaque vendredi, samedi, il faut revoir hein, les cours. Il ne faut pas laisser jusqu'à la dernière semaine. Parce que c'est un Donc, j'ai énuméré les signes électriques qu'on peut observer en cas de pression. Vous allez le voir et de là, vous allez prendre un livre d'électrocardiogramme et vous allez faire un régime. Donc, le cachérisme de Lyon, moi, hein, garde son indication en cas de nécessité du coronavirus. Tout à l'heure, j'ai parlé des indications lorsqu'il y a des modifications électriques au repos ou à l'effort. Lorsqu'il y a. Et lorsqu'il y a une discordance entre les symptômes et l'évaluation échocardiographique de la maladie, les symptomatiques, il découle par le rythmement moyen serré. Un peu de silence. Ou c'est l'inverse. Il y a un rythmement moyen serré et c'est asymptomatique. Donc on va apprécier, on fera appel à un deuxième examen complémentaire pour apprécier le degré de sténose, pour poser l'indication. Et en même temps, et surtout, lorsqu'on a une indication absolue d'une corona. Une corona qui est indiquée, voilà, une critère de l'âge. symptômes ou l'âge. Lorsque l'homme vous entre 45 et la femme, lorsqu'elle arrive au stade de ménopause, on abandonne les malades, on va faire la vie, une fois, ça compte pour visuel, surtout vérifier la tête ou l'intégrité du réseau couronnel. Parce que s'il y a des lésions couronnaires associées, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Rétention aortique plus une lésion coronaire importante. C'est une alternative, oui. Et lorsqu'elle n'est pas accessible à l'angioplastie. Non, elle parle d'angioplastie pour la coronaire. Voilà. Il n'y a pas de prothèse, on parle de stent pour les coronaires. Organique. Tout en boulisse. Mais organique, ce n'est pas un trombus. C'est une plaque d'athérome. Il y a un sénose. Oui. Hein? Une plaque qui siège au niveau du réseau coronaire. Un ou deux fois. Et c'est une plaque d'athérome hein, qui réduit la lumière. Qu'est-ce que vous allez faire sans boulisser? Là, il y a un trombus. Voilà, idéal, hein, secondaire en thrombus. D'accord? Il y a, parce qu'il y a la phase, l'insuffisance coronaire stable, l'insuffisance coronaire instable. D'accord? Donc, dans ce cas, si elle n'est pas inaccessible à l'angioplastie, le malade sera opéré pour son rétrécissement. Vous allez lui proposer un remplacement de la valve plus un contagion. Vous n'allez pas laisser la lésion coronarienne sans traitement, d'autant plus que vous allez opérer le malade. Sinon, le suivi post-opératoire sera catastrophique. Hein? Il peut développer un infarctus du myocarde dans le post-op. Hein? Un thrombus va se constituer sur la plaque. Il va occlure. Donc, il faut anticiper, surtout si la stenose est sévère. Hein? Vous allez faire l'insuffisance coronarienne, donc il faut proposer le malade pour un double geste sur la valve et sur le réseau coronaire. Donc le cathéter est permis d'évaluer ces éléments. Donc vous avez sur le polycope, donc je ne vais pas vous détailler. Pour arriver au diagnostic différentiel. Il y a des situations anatomiques ou anatomiques cliniques qui peuvent simuler un rétrécissement aortique. Hein? Et ces situations anatomiques cliniques, il faut faire la part entre ces situations et un véritable rétrécissement aortique orificiel. D'accord? Et c'est l'examen clé, c'est l'examen clinique, mais surtout c'est l'échocardiographie qui va trancher entre le rétrécissement aortique calcifié ou le rétrécissement aortique valvulaire et les autres diagnostics qui doivent être éliminés. Tel que un rétrécissement aortique sur valvulaire, on a parlé tout à l'heure de rétrécissement aortique sur valvulaire, c'est quoi? Voilà, au niveau de la chambre de chasse. Voilà, la chambre de chasse. Également, en cas d'hypertrophie, hein, parce que l'hypertrophie va réduire la chambre de chasse et cette réduction de la chambre, le G, lorsque le flux passe, il peut simuler, hein, il va donner une symptomatologie d'un rétrécissement aortique. Donc, c'est l'écho qui va permettre. Également, en cas de prolapsus de la valve mitrale, en cas d'insuffisance mitrale, en cas d'atteinte pulmonaire. Donc, c'est l'écho qui va trancher et qui va orienter le diagnostic. Quelle est l'évolution naturelle du rétrécissement aortique? Insuffisance ventriculaire. Hein? Insuffisance. Voilà, ça c'est le stade ultime. Hein? Plus ou moins ultime, parce que le stade ultime c'est la mort subite. Hein? Donc, tout à l'heure, j'ai parlé, vu la compétence du myocarde, du ventricule gauche à subvenir à lutter contre cet obstacle, les malades restent asymptomatiques. Hein? Mais arriver à un stade où l'incompétence du myocarde ou du ventricule elle est manifeste, donc le patient va devenir symptomatique. D'accord. Et lorsque les symptômes se déclarent, c'est un signe d'alerte et d'alarme. Et il faut prendre en charge le malade rapidement. Parce que si on laisse un malade avec ce processus, il va évoluer et le cœur, le ventricule gauche, va être avec le temps défaillant. Donc ça ne sert à rien. Plus tard, lorsque le malade arrive au stade d'insuffisance ventriculaire gauche ou d'insuffisance cardiaque globale, donc il y a un malade qui sera, dont le ventricule sera plus ou moins puissant. Donc, en principe, le rétablissement aortique a tendance à être asymptomatique, soit c'est parce que le cœur réagit, soit parce que le malade minimise les symptômes. C'est-à-dire, lorsqu'il sent que tel geste, il va limiter l'effort terme. Donc, pour ne pas déclencher symptômes, il se déclare asymptomatique. Donc, c'est pour ça qu'on a les périodes d'effort. Voilà, d'accord. Et avec le temps, lorsque l'évolution elle progresse, les malades deviennent symptomatiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Et lorsque le malade développe un angor au synchrone, en absence de traitement, la survie elle est limitée jusqu'à 5 ans. En absence de traitement, d'accord. Et en cas d'insuffisance ventriculaire, la survie elle est évaluée entre une année ou 18 mois à 2 ans. Donc, d'où l'intérêt de lorsque le malade il est symptomatique, il faut l'opérer lorsqu'il a une stenose serrée. Lorsque le malade se déclare asymptomatique, il faut mettre en valeur, c'est-à-dire par les périodes d'effort, ses symptômes, pour amener le malade à être opéré, à être traité. Parce que maintenant, il y a le traitement chirurgical, on va voir. Non, pas médical, traitement non chirurgical. D'accord Le traitement médical, c'est complémentaire. Il n'a pas une place très, on va voir, très dominante dans le rythme, sauf qu'on fait des substances cardiaques. Donc, il faut amener le malade à consulter et à être pris en charge. Maintenant, en absence de traitement, il y a des complications qui peuvent émailler l'évolution, telle que de plus simple ou plus bénin jusqu'à la mort subite. Donc on a la mort subite, l'insuffisance ventriculaire gauche, les troubles de rythme ventriculaire, donc le passage en arythmie, les troubles de conduction interventriculaire et oculoventriculaire, l'angor, l'endocardie et les embolies calcaires. Le plus bénin, c'est en bas. Pourquoi l'embolie calcaire? Calcification. Une calcification qui va se détacher ou une plaque, voilà, elle va partir l'embolie dans la circulation. L'endocardique, parce qu'il y a des lésions très infectieuses, donc ça favorise la grave bactérie. Pour le traitement, il y a deux volets. Il y a le traitement médical qui n'est pas vraiment. Voilà, sauf en cas d'insuffisance cardiaque, il reste combien 5 000 chronomètres là-dedans. 15 minutes. C'est une alarme. Où est-ce que c'est? Non, c'est une alarme. Il reste 15 minutes. Voilà. 10 minutes, 10 minutes. Donc, le traitement médical a une place limitée. Et bien sûr, on n'a pas besoin, normalement, en cas de patient asymptomatique, pour être surveillé. Comment surveiller? On va voir, c'est la surveillance clinique, radiologique ou cardiographique, avec un rythme bien défini. Un peu de silence, pour tout le monde. En cas d'insuffisance cardiaque, on utilise les diurétiques. En cas d'arythmie, on utilise la cardioversion, c'est-à-dire chimique. On essaie de récupérer le rythme régulier du mal. Pourquoi? Régulation du rythme. Pourquoi? Contraction. Vu l'apport de la systole auriculaire dans l'amélioration du débit cardiaque. Voilà pourquoi on essaie de récupérer le rythme. Voilà, mouvement. la commandement de traitement pour un diamètre de la cardioversion. Cardioversion, c'est récupérer le rythme du patient. Dire quoi, cardioversion? Cardioversion, c'est-à-dire récupérer le rythme du patient. Ah. Il y a la cardioversion chimique, on utilise des molécules telles que. Vous avez fait les antiarythmiques? Non. Non, ça c'est une excuse. D'accord. Tel que l'amiodarone, hein, qui conduit le corps d'arôme, donc l'amiodarone, et la cardiovascularisation électrique. C'est quoi la cardiovascularisation? Voilà, le choc électrique pour que le malade récupère son rythme de ça. Donc, l'activité doit être limitée. Hein, chez les malades d'arrêtement serré, d'accord, vu le risque de morsure. Bien sûr, l'amphrophylaxie de l'endocardite, nous avons vu qu'en complication, c'est que le malade porteur d'un récent optique peut développer une endocardite. D'accord ? Maintenant, pour le traitement chirurgical, on a deux voies. Il y a le traitement recommandé chirurgical, où il y a une incision, hein, une sinusite. C'est-à-dire ici aussi, une circulation extra-corporelle. Hein, un peu de silence. Il reste 15 minutes. Il y a du monde là. Oui. Et il y a le traitement non chirurgical conventionnel. Hein, on va. En général, c'est le moyen, mais je touche le maximum. Quelle est la pression ventriculaire? Vous avez une question ou une explication? Il y a le traitement chirurgical conservateur. Ça veut dire quoi, conservateur? Avant, préventatif. Non, conservatrice, c'est-à-dire on va conserver la valve. C'est-à-dire, on ne touche pas la remplacer. Mais si on ne la touche pas, on la touche, mais sinon. On ne va pas l'enlever. On va aller. Oui. D'accord, voilà, on ne va pas la remplacer. Si la valvulotomie, c'est-à-dire là où il y a une fusion posturale, on fait une mouchure, on incise, donc on libère la fusion commissurale. C'est comme la commissurotomie mitrale. Vous avez entendu la commissurotomie? La CMC, la commissurotomie mitrale, soit à cœur fermé, soit à cœur ouvert, soit percutane. Vous allez faire radio simultane, on va vous parler de commissurotomie. C'est la même chose dans le LAPA, mais commissurotomie, c'est-à-dire on ouvre les commissures. Mais elle n'est pas aussi efficace parce que l'atteinte des sigmoïdes, elle est évoluée. D'accord ? Donc l'évolution en moyenne est marquée par la dégradation du mur. Également, il y a la déclassification. Donc on enlève la déclassification. Pourquoi ? Pour rendre un peu de souplesse à ces sigmoïdes, pour qu'ils bougent, qu'ils s'ouvrent. D'accord ? Mais l'évolution, elle n'est pas aussi égale. Il y a le traitement non conservateur, donc on va remplacer. Là-bas, d'accord, et on dispose de multiples de substituts, d'accord. Qui dit substitut, ça veut dire quoi? On a les matériaux classiques et les nouvelles, les alternatives, d'accord. Les classiques, c'est la valve mécanique et la bioprothèse. Dans le prochain cours, je vais donner des images des prothèses. D'accord ? Voilà, pour ne pas perdre du temps. Et les alternatives, lorsqu'on n'utilise pas de valve mécanique, c'est quoi une valve mécanique ? Il s'ouvre. Quelle est la valve mécanique ? Quelle est la biologique ? Quelle est la valve là ? parce qu'elle est constituée de quoi? D'un élément ou d'éléments non biologiques. Hein? Il y a du métal, c'est le carbone ferrolithique. D'accord? Que on va, c'est-à-dire l'industrie a créé des vannes bicuspides hein, qui souffrent et qui se ferment pendant ce temps. Mais quel est l'inconvénient du mécanique? Je pense que vous connaissez. Non, monsieur animé. Bon, toxicité. Pas toxicité. Hein? Toxicité. Hein? Toxicité. Non. Non. Mécanique. Non. Non. Elle n'est pas automatique. Pour biologique, c'est l'avantage. Comment ça va être fait de l'eau? Les piles. Non, mais il faut enlever ça. Mécanique, c'est quoi? Elle travaille la vanne, elle s'ouvre, elle se ferme grâce à la pression générée par le ventricule et la pression résiduelle dans le ventre, comme une valve naturelle. Et le biologique? D'abord, quelle est la complication? Dans le mécanique, maintenant on va parler des complications dans le biologique. L'endocardique, c'est comme à toutes les vannes. L'anémie, ce n'est pas une complication. C'est un cas particulier. Lorsqu'elle désinsère ou la porte, mais... qui est biologique et mécanique. Hein? La différence de non. Bon, ça, c'est équipé. Qui est biologique et mécanique. Ça dépend de la taille. Les noms. Vous allez faire des anticoagulants. Vous allez faire. Non. Et c'est quoi les anticoagulants? Empêche la coagulation. Quelle est la relation entre valve mécanique et anticoagulant? Contre-indication. C'est pas une contre-indication. Non. Ah. Voilà. Parce que lorsqu'on place une valve mécanique, on est obligé de mettre le malade sous anticoagulant. Sinon, il va présenter une complication thromboembolique. Il va thromboser cette valve. Mais la valve travaille normalement. C'est un corps étranger qui déclenche la coagulation. C'est métallique. Voilà. Pour ça, on prescrit les anticoagulants. Et de conséquence, c'est le risque de la force, c'est le risque hémorragique. Par contre, la biologique, hein, on n'aura pas besoin d'anticoagulants, mais la complication, c'est qu'elle salte ma chirurgie. Elle est traitée, elle est faite pour qu'elle dure et qu'elle ne soit pas rejetée. Le rejet, c'est la greffe cardiaque. Et ça dépend le groupe, ou ça dépend les sous-groupes, ou ça dépend le système HLA. Hein? La biologique, elle va s'altérer, elle va dégénérer, elle va se calciner avec le temps. D'accord? Non. Non? Pas le coup, non. Elle va, l'inconvénient de la bioprothèse, la prothèse biologique, elle dégénère. Elle peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. D'accord? On sera obligé de le remplacer. Voilà. Mais par conséquent, lorsque le malade a ses courants métal, lorsque le malade est en rythme sinusal, on administre les anticoagulants pendant 3 mois et après on arrête. Donc il va avoir une vie normale, sans contrainte d'anticoagulant ni de surveillance de l'anticoagulation. Tant pis pour toi. D'accord. Il y a d'autres alternatives. Ce sont les autogreffes sans armature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un substrat, donc il n'y a pas l'armature métallique sur laquelle on la fixe. Il y a les homogreffes. Hein? C'est quoi une homogreffe? Entre les hommes, voilà, entre les hommes. Voilà. C'est des valves prélevées sur les cadavres hein, et conservées. Il y a l'autogreffe. Hein, l'autogreffe. La même personne dans hein? La même personne. Qui fait les homogreffes? Quel est hein? L'autogreffe. L'autogreffe, le malade lui-même. Comment ça se passe? On va prélever l'artère pulmonaire, la valve pulmonaire, durant en position aortique. Et la pose, la prend de l'anémogale, la position métrale. Parce que le problème, on fait un switch. Monsieur, chirurgical. Dans l'autogreffe. Hein? Par exemple, précisément entre le long bas de l'essor. D'accord. Donc, puisqu'ils attendent, il y a les autres alternatives qui ne sont pas chirurgicales, mais qui s'approchent. On a la radioplastie aortique, comme on a dit pour les coronaires, on passe le cathétérisement des lattes coronaires. Maintenant, on dilate la valve aortique, comme si on fait une commission automée à coronaire. Mais le résultat et la durabilité du résultat n'est pas fameuse. D'accord. De toute façon, vous avez de... Ça, c'est pas sur le positif. D'accord. Il y a des autres alternatives également, c'est l'implantation d'une bioprothèse par voie percutanée. C'est-à-dire une bioprothèse, au lieu qu'on ouvre le cœur à la porte, on la place par voie fémorale. Parce que, avec l'évolution de l'industrie, on a élaboré des prothèses qu'on peut clicaturer sur le volet et l'introduire par voie fémorale et la placer en. Au niveau aortique, sans sternotomie, sans CEC, sans rien. Ça veut dire minimiser le risque chirurgical, minimiser l'hospitalisation, mais c'est des substituts qui sont très chers. Cette alternative pour un malade, elle coûte aux alentours de 20 000 à 30 000 euros. La procédure, 20 000 à 30 000 euros. D'accord. Alors que une bioprothèse, elle coûte en dénat 10 millions. Donc il faut faire la chale 10 millions. 1000 euros. Voilà. Donc faites. Et donc on a deux fois. Soit on introduit par voie percutanée, fémorale. Soit on fait une mini-thoracotomie et on l'aborde, on l'implante à travers la pointe du cœur, soit on fait une sternotomie ou une mini-sternotomie, on l'implante à travers l'aorte. D'accord ? C'est une bioprothèse. Le schéma sera plus parlant que le départ. Voilà, on fait une mini-thoracotomie. Voici la pointe. On fait une bourse autour de la pointe, on introduit un cathéter, on cathéterise la valve aortique qui est malade, d'accord. On fait une dilatation, donc on dilate par gonflage de ballonnier la valve qui est malade. Il y a des complications, le risque d'embolie, le risque de déchirure, d'insuffisance. Et on introduit la prothèse, d'accord. On la déploie. Et on retire le cathéter et on ferme la voie d'introduction au niveau de la pointe du BG et la bioprothèse, elle est en place. Sans CEC et sans chirurgie. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est les dernières modalités thérapeutiques. Donc, on arrive aux indications. Les indications, en principe, on a au long du cours parlé. Pour opérer un malade, il faut que la sténose soit. Comment elle soit ? Elle soit serrée. Deuxièmement, elle a un retentissement sur la fonction cardiaque. Insuffisance cardiaque, ça fait. Pas d'insuffisance cardiaque, non. C'est pas l'insuffisance cardiaque, ça, c'est évolué. C'est-à-dire qu'il y a des critères échocardiaques qui disent, qui parlent de même que. La valvulopathie, elle a reconté sur le ventricule gauche, sans que le malade devienne symptomatique ou l'arrive au stade d'insuffisance du ventricule gauche, il y a une indication, même l'indication est-ce qu'il sera opéré ou non. D'accord. Et le troisième critère, c'est la symptomatologie clinique. D'accord. Voilà, donc en fonction de ça, on pose l'indication opératoire. Donc, récemment, aortique serrée. Symptomatique, l'indication elle est obligatoire. Pour les patients asymptomatiques, il faut faire la tranche, la différence entre symptomatique et asymptomatique et faussement asymptomatique. Il faut identifier les patients faussement asymptomatiques pour les proposer à la chirurgie. D'accord. Et pour les malades asymptomatiques, véritables asymptomatiques, il faut établir un calendrier de surveillance clinique et échocardiographique comme c'est mentionné. D'accord. Ça, c'est moi, ça, c'est les ampoules, en fonction du CRE ou non CRE. D'accord. Vous avez ça sur le polygone. Ah, il y a bien. pour les faussement asymptomatiques, hein, ou asymptomatiques, dans certains cas, il faut poser l'indication opératoire, même si le malade est asymptomatique. Hein, lorsqu'elle est très serrée, 0,5, par exemple, lorsque la fonction commence à s'altérer, lorsque la fonction ventriculaire gauche la FE inférieure à 50%, même si le malade est asymptomatique. D'accord, il faut anticiper, hein, l'évolution avant qu'il déclare. Il y a les autres. Donc, je vous recommande, si vous avez les problèmes, si vous êtes intéressé, il y a les recommandations pour les indications de la Société française de chirurgie et de cardiologie, hein, Société interne, Société française de cardiologie, et c'est dans lequel vous avez trouvé. Et il y a, hein, l'European Society of Cardiology, hein, qui fait du lien. Et le prochain cours, je vais poser des questions sur le cours. Hein, on va voir qui a retenu, voilà, et qui a révisé. D'accord. Merci.